ce n'est pas la pompe à vide cette semaine. On reprend les entretiens de Grenoble qui s'est arrêté en 2013. Et on repart 7 ans après avec Guillaume, que je... Pardon. Non mais c'est à cause de ton surnom sur Facebook. Mais j'aime bien, on va m'appeler Thibaut. Guillaume pour cette fois. Guillaume, c'est Guillermo sur les internets. Voilà. Et sur, désolé, excuse-moi. Et sur mon état civil. Thibaut donc. Thibaut qui est musicien né à Grenoble. Non, Saint-Martin d'Air. Non, je suis vraiment né à Grenoble et mort à Grenoble bientôt. Mort à Grenoble, bon, ça on verra. Et surtout, donc, merci d'être venu et on voulait parler. Donc, on a formé, entre autres, une association avec toi et d'autres musiciens qui s'appelle New Array. Il faut que tu acquiesces. Bien sûr, oui. Voilà, tout à fait. Donc on voulait parler de ça et aussi mettre des morceaux de musique qu'on aime et de musiciens qu'on supporte. Es-tu d'accord avec ce projet pendant la prochaine heure qui vient ? Bien entendu. Et aussi on peut aborder d'autres sujets plus compliqués, plus fastidieux, suivant l'humeur. Peut-être parler de ton rapport à, je sais pas, au temps, à l'avenir, à la météo. Voilà. Peut-être ce que tu vois avec plaisir. En tournant la tête. Ok, je te remercie. Et puis on pourra parler de New Array, donc ce que c'est. De ce que ce n'est pas surtout. De ce que ce n'est pas, voilà, ça c'est très important. Et on va mettre un morceau que tu nous as amené. Ça me semble une bonne idée sûr. Aussi. Alors, par quoi on commence Comme tu veux, donc on en parlera après. J'ai ouais. envie de commencer par ce morceau-là qui est un peu vieux, un peu ringard, mais que j'aime bien. Ouais, alors je... Hop, voilà. Aviador Dro. Aviador Dro, c'est un groupe espagnol de... Ouais, ce qu'on pourrait appeler l'équivalent espagnol du New Beat, en fait. Ok. Allez, les entretiens de Grenoble, c'est parti. Thank you. Ouais, oula, c'est bon, ça marche toujours. Ouais, j'ai l'impression que ça marche toujours. Je suis toujours là. Ok, alors tu peux nous parler un petit peu de ce morceau ou que, parce que c'est toujours bien sûr offline, hors ligne, hors antenne, que les choses les plus intéressantes se disent. Tu savais ça ? Bah bien sûr. Et là, c'est ce qui s'est passé. Alors que faire, que dire de plus sur ce morceau ? On peut dire son titre, par exemple ? Déjà, c'est un morceau qui s'appelle Selector de Frecuencias. Donc, ouais. Selector de fréquence. Ouais. Français. Et donc, en fait, c'est un morceau d'un groupe qui s'appelle Aviador Tro, qui est un groupe madrilène, il me semble, et qui était très actif au début des années 80 en Espagne, dans un contexte politique très libertaire et d'émancipation. Et je trouve que ça apporte, en fait, c'est un tout un versant de la musique électronique européenne qu'on n'a pas l'habitude d'explorer. Je trouve qu'en France, on a vraiment tendance à s'orienter sur tout ce qui s'est passé en Belgique, en Angleterre, un peu en Italie, en Allemagne bien sûr, et à être absolument fasciné par toute la scène de Détroit. Et on en oublie en fait toute la musique qui a été composée entre Madrid et Valence, tous les événements type la Ruta del Bacalao, qui ont été qui sont en fait les prémices de la culture club et... Ouais, ce qu'on voit surtout, c'est la machina, enfin le truc le plus mainstream qui ressort, c'est ça, et c'est dommageable. Et toi, tu te poses donc en tant que un peu défenseur musique espagnole un peu oubliée, peut-être sous-estimée finalement. Bah, sous-estimée, puis même la machina, on peut regarder ça un peu avec mépris pour les codes esthétiques du genre, mais d'un autre côté, c'est une musique qui est populaire par essence, et qui permet à pas mal de gens de s'éclater le week-end et de supporter la semaine. Un peu comme tu vas avoir le Frenchcore en France, tu vois, du Gabber aux Pays-Bas, ou de la Schranz en Allemagne. La Schranz. Merci. J'allais d'ailleurs mettre un... C'est quoi la Schranz? C'est les trucs de Chris Liebing à l'époque où il prenait trop de drogue. Techno un peu rapide, quoi. Alors, je mets un morceau de Machina, qui est assez emblématique. Alors, c'est peut-être pas de la Machina, mais... temps. Oula. Ouais, bon. Ouais, donc apparemment c'est plutôt italien, mais bon, c'est pas grave, en fait, ça corrobore un peu ton propos, ou pas vraiment. Enfin, on parlait d'interstyle, d'interpays, et finalement ça sonne plutôt Macchina, mais en même temps c'est italien, on dirait. Voilà, donc tout ça pour dire qu'il faut pas sous-estimer la musique. Me fronce pas les sourcils quand je parle. C'est pour ça qu'il faut pas. Ça montre qu'il faut pas sous-estimer l'influence de la musique espagnole. Parce que j'ai l'impression que c'est quand même ton point de vue. Ouais, c'est ça, c'est du communautarisme, je pense. Voilà, c'est du communautarisme. Et on en manque Non, mais c'était ces un très beau jours-ci. morceau, un appel à la fête et à l'hédonisme. Ouais, sachant que c'est le Sequential One Remix. Ok, Voilà. intéressant. Ouais, donc c'est 666, le producteur, en Ah, parfait. fait, on peut dire. Et donc on parlait de ouais, la Schrantz Techno, donc Schranz Techno, donc début des années 2000, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Mais Alors c'est. sous-genre ou sur-genre, est-ce que vraiment... Moi, je dirais que. Bah, sous-genre, mais tu sais, j'ai l'impression que la musique électronique et la techno. Les gens de la techno, on a quand même une capacité à créer des sous-genres. Un peu pour tout et rien. Et là, Schrantz, pour moi, c'est essentiellement le travail de gens comme Chris Liebing au début des années 2000. Savoir, c'est une techno un peu plus rapide que ce qui se jouait par exemple à Détroit, où tu vois, t'as pas ce côté très minimal, c'est vraiment rentre dedans. Tu vois, t'as ce côté très, très puissant et rapide que tu peux retrouver dans la hard techno anglaise, tu vois, avec tout ce qui est Dave the Drummer, Chris Liberator, tous ces artistes-là qui te produisent une techno très, tu vois, très puissante, très rapide et au final très simple, très efficace. Ça va droit au but, c'est pas mal. Mais on peut quand même parler, sans parler de genre de musique, on pourrait parler d'adhésion. Quel type d'adhésion ça, tu vois? Parce que si t'as un grand nombre de gens qui adhèrent à une musique, elle devient mainstream, même si la musique, elle, est un sous-genre, tu vois. Oui, c'est Enfin, vrai. bref, c'est des. Voilà. C'est en ça que je disais ça. Est-ce que la Schrantz, c'était un type de techno Oui, populaire, en fait? Voilà. c'est C'est de la consommation de comme. masse, ouais. Ouais. Mais pour toi. Enfin, ce qu'on disait hors antenne, c'est que c'est pas Et au final, ça doit pas être mal regardé, quoi. quand les genres de techno deviennent assez populaires, ça reste quand même assez marginal comme musique. Si tu compares à tu vois, la consommation de tous les produits culturels en Europe ou en France, la Ouais. techno, ça reste quand même si aujourd'hui c'est plus du tout un truc underground, vraiment. Tu vois, quand tu fais payer 25 balles des pseudo-raves en banlieue parisienne, est-ce que t'es vraiment underground? Quand Red Bull fait des reportages sur toi, je pense pas que. Ben ouais, Tu vois, t'es c'est de plus. ça Est-ce dont que je t'es parle. underground quand t'es sponsorisé à tout va par des grandes marques? Je pense pas du tout. Bref, passons à un morceau underground casser. Un truc underground? Je sais pas, qu'est-ce qui est underground? Bah, Ned Flanger, c'est Netflanger, mais carrément underground. celui que j'ai apporté, Flanger ou j'aime pas. Flanger? Bah, moi j'aime bien dire Flanger, mais on m'a repris plusieurs fois. Ouais. Mais comme c'est mon propre nom, mon propre alias, je le prononce mal si je veux, tu vois. Ouais. Ah, tu veux Ouais, qu'on je sais mette pas. celui-ci? Allez. Ouais, celui-là. Celui-ci? Il est Oui, proche ou il est loin? Il est celui-ci. loin donc, Il est celui-là. très proche et très loin. En Ah tout ouais, cas, celui-ça. il Donc il sort faudrait dire. bientôt. Ah, il sort. Il sort vraiment, ouais. Là, il sort de l'ordi là. Sort du sérail et de l'ordi. Il a un titre K22B. K22B, oui, Titre final. c'est une planète un Ok, peu ben lointaine. écoute Ned Flanger, tu nous en parleras après qu'on l'ait passé, après qu'on l'a passé. Ouais, du coup, parle-nous un peu de ton morceau là. Faut si faire la promo. Promo, ça sort sur quoi tout ça? Ça sort sur un label qui s'appelle Sekem, donc, qui est créé par les gars de Sekem Sound System. Donc c'est leur première sortie. C'est un label fondé par un DJ grenoblois, entre autres, qui maintenant s'appelle Télécom 2D. Et quelqu'un que j'aime bien, et c'est, je pense, réciproque. Et donc, qui a décidé de monter un petit label. Donc, ça va être un disque, un various artist avec. Un disque vinyle. Un disque vinyle. De 33 tours par. 33 tours par minute. Par minute, 33 révolutions. Mm-hmm. Ouais. Et sinon, bah écoute, c'est un morceau. C'est un morceau révolutionnaire. Très révolutionnaire, puisque tout est pompé. Tout est pompé et il révolutionne bien évidemment. Ouais. Morceau qui tourne et qui fait tourner quoi. Très bon morceau, by the way. Merci. Ah, comme moi j'adore ce que tu fais, voilà, je le dis comme je le pense. Ça me vient du fond du cœur. Bah moi ça me va droit au cœur. Et voilà, que ce soit les morceaux que tu as sortis pour Stochastic qui sont excellents. Et celui-ci, donc toujours très droit, et très à la fois très droit, mais très rapide et une sorte de, aussi de lenteur comme ça, assez de progression on va dire, bon bref. Très prog. Très, assez prog finalement, ouais. Ouais, techno-prog. Voilà, donc super, j'ai hâte d'entendre cette compilation. Y a-t-il des artistes dignes d'intérêt à part toi sur cette compilation? Bien sûr. Alors, il y a quelqu'un qui s'appelle Émile, je sais pas trop qui c'est, mais en tout cas, il a fait un morceau qui s'appelle Midi Invasion, ou quelque chose comme ça. Ouais. Et qui est vraiment bien, c'est genre une pure bombe, tu vois, électro, très classique, tu vois, des beats un peu breakés, ça va vite, très sympa. Il y a Doll, le britannique, il me semble. Ouais, il n'y a pas que des artistes grenoblois. Donc. Non, il n'y a pas que des grenoblois, il y a Doll. En fait, Doll est le seul à pas être de Grenoble, il me semble. Il est de Doll, dans le Jura. De Doll, dans le Jura, ouais. Doll, Doll. De Doll, non, peut-être. Non, peut-être est-il d'Arbois, je sais pas. D'accord. Non, mais qui a fait, il me semble, un morceau plus ou moins UK hardcore. Et okay. Après, il y a Admo, qui est de Grenoble, il me semble, également. J'entends l'appel de Oberlin. Excellent morceau sur la compile New Array, si je ne m'abuse. Dont on parlera après le morceau. Merci. We'll be right back. Yes. Ouais, il reste 40 secondes. On peut les commenter ? Ouais, ben c'est la fin du morceau. Très mélancolique. Assez mélancolique. Soleil couchant sur. Sur le Frincouc. Sur le Frincouc. Le Frincouc dans le Nord-Pas-de-Calais. Magnifique commune. Où le soleil se couche tous les jours. Exactement. Ce qui n'est pas donné. Il se lève tous les matins. Et c'est une chance. Donc. Est-ce que tu veux nous parler un peu de ce morceau ? Je peux en parler dès maintenant. C'est un morceau qui est sur la compile New Array. New Array étant donc cette association dont j'ai parlé au début que nous avons formée et dont la principale action jusqu'à présent a été de sortir une compilation de morceaux. Oui, et de faire de très belles réunions. Et de faire de réunions. C'est une association, donc nous avons des réunions avec des rapports de réunions. Et c'est l'activité principale d'une association, c'est d'être associé. De s'associer. Tout à fait. Et donc de faire vivre l'association. C'est une convention. C'est une convention ? Oui, ouais. Tout à fait. C'est la convention de l'association, c'est de s'associer. Voilà, seulement ma convention. Donc ce morceau, c'est Ben Hooks, et ça s'appelle Driving to Oberlin. Donc je vous invite à regarder qui est Ben Hooks et pourquoi le titre s'appelle Driving to Oberlin. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'on va dire ? Donc les prochaines, l'actu de l'assaut, il n'y en a pas. On avait dit qu'on allait refaire une compile parce que drum and bass. C'est pratique. Drum and bass, break. Truc bizarre. Ouais. Un peu d'électro. Break. Ouais, tout ce qu'on aura envie de mettre dedans en fait. Mais plutôt break, je crois, ce que j'avais compris. Ouais. Peut-être. Voilà, et on cherche un endroit à Grenoble pour faire des soirées. En fait. Donc si vous avez des conseils, s'il y a des Grenoblois qui nous écoutent, j'écoute. Si vous avez un garage, si vous pouvez appeler, un garage assez grand. Appelez le standard de Radio Pinot qui voilà. Transmettra les appels. Là on écoute un petit patch de Ben Binary Digit qui fait partie de New Array. L'artiste illustre. Illustre artiste, ouais, c'est vrai. Très bon musicien. Comme bon humain en général. Très bon humain. Bravo. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut écouter maintenant ? On va peut-être, comment dire en anglais, shifting gears. Ah, aller un petit peu plus dur, un petit peu plus rapide, même si ton morceau était quand même assez rapide, mais pas si dur finalement, plutôt rave que dur. Plutôt spatial. Ouais. 88. Voilà. Un peu moins bien. Donc là, on peut peut-être. Est-ce qu'on s'écouterait pas un petit morceau de 90s Entities ? Ah oui, très bonne idée. Rave, c'est vrai. Qui est aussi membre de. Voilà. Oui, on passe des morceaux de la compile. Et voilà, et qu'on salue. Ce qui est pas mal. Au passage. Et qu'on salue. Amitié, Bastien. Qui a sorti un disque d'ailleurs sur Toolbox chez Records. Toolbox, mais ça commence à faire un petit peu longtemps, puisque c'était au moins en 2013 ou en 2014. Toolbox qui a une émission juste après celle-ci. Voilà. Bonjour Toolbox. Donc, voilà, bonjour Toolbox. Allez, 90s Entities, Synesthesia. Ça commence doucement. Allez, c'est parti. Synesthésia, Jean-Paul Sartre, Gabriel Mazeneuf. Roman, non. Pardon. Ouais, donc un autre patch. Ouais, alors, qu'est-ce qu'on disait ? 90s Entities, Synesthésia, New Array, Le Futur, une nouvelle compile, des événements. À Grenoble, il pleut. Il y a des trous de ciel dans le nuage. Très gris dans cette ville, très mais comme gris. Toujours, ville très gris toujours. De toute manière. Et beaucoup de vent, voilà. Beaucoup de vent, beaucoup de pluie. Merci à Pinot de hoster, d'accueillir ce show, les Entretiens de Grenoble. Je pense que la semaine prochaine, on en aura un autre. On va peut-être mettre un petit hiatus à la pompe à vide qui a besoin d'être nettoyé. Une petite opération de maintenance. Voilà. Et voilà ce que je voulais dire. Quel sujet d'actualité pouvons-nous aborder ? Le déconfinement, le coronavirus. Le coronavirus. Ah, on n'en a ça, pas c'est beaucoup parlé ces derniers temps, vrai. J'imagine. C'est vrai. Les gens veulent peut-être en savoir plus. Ouais, moi, grâce peut-être, à Facebook, ouais. Je suis devenu expert virologue. Ouais. Si jamais vous avez des questions, vous pouvez me les poser dans le chat et puis j'essaierai d'y répondre okay. Au milieu. Ça marche. Moi, je suis devenu expert en statistiques. Voilà. Pas mal. Est-ce que tu peux nous sortir une stat au pif, par exemple, sur New Array, une statistique ? Alors, sur New Array, une statistique, donc... alors, qu'est-ce que tu veux dire ? Ah oui, donc l'âge moyen des gens est de qui ont téléchargé... Ça. Attention, j'y viens. L'âge moyen des gens qui ont... ça pourrait être une statistique. Hein. L'âge moyen des gens, c'est une statistique. Mais bon. L'âge moyen des gens qui ont téléchargé la compilation New Array est... T'as 27.2. 27.2, pas mal. Hein. Donc un peu plus jeune que moi et un ouais. peu plus que toi aussi. Ouais. Au final, voilà. On touche un public jeune. A priori, ouais. Peut-être qu'on va réussir à dépasser Kobalade, Niska. En tout cas, nous, c'est l'objectif. Ouais. Est-ce que, qu'est-ce que t'en penses ? Kobalade, Niska, tu vois. Tu sais même pas qui c'est personne. Voilà. On est trop loin. Beaucoup trop loin. Trop loin. Peut-être qu'on va arriver à dépasser 30. 30 euros personnes, de bénéfices. 30 téléchargements. 30 euros de bénéfices. Oui. New Array World Company. New Array World Company. Vous pouvez donc télécharger cette compilation, aider une structure neuve, innovante et innovative qui veut décoller comme tout le monde, hein, comme un oiseau décolle de son nid. Et voilà. C'est sur New Array Bandcamp. New Array Bandcamp, voilà. Et. Bon, c'est 5 balles, je crois. Bandcamp nous prend un petit peu d'oseille, au passage, comme on ouais, dit. À part le 8 mai, mais bon, c'est déjà passé. À la limite, faites-nous un petit mail, et puis nous, on peut vous envoyer contre un WeTransfer un peu d'argent. Yes. Si toujours jamais vous n'avez pas envie de filer du pognon ouais. à Bandcamp. Voilà. Nous, on aime bien aussi les choses de la main à la main. Exactement. Virtuel. On va écouter ce morceau, et ensuite, on va mettre un autre morceau, qui sera un morceau de Binary Digit. C'est un inédit. Voilà. Donc c'est cool, hein. C'est super bien. Chose nouvelle, innovante. Parce que New Array en 2019, toujours. Toujours très start-up. Très start-up. Très nation. Ouais. Non, plus, ben, plus up pas que nation. Start et que nation. Nation pas trop, finalement. Up City. Up. Up. Très Grenoble, up, très 38. Up. Up. Très up. très hub, évidemment, hub, la connexion. Hub de quartier, quoi, surtout. Voilà. Très, très Saint-Bruno, l'Aigle. On reste dans... Beria, quand même. Il y a un gros pôle à Beria, quand même. Oui, l'ouest grenoblois. C'est vraiment l'ouest grenoblois. Si vous connaissez Grenoble, vous pouvez sonner à ma porte. Et puis... Très, très sympa ce patch, c'est un patch de Binary Digit encore ça. Ben ouais, c'est un peu ça, c'est du VC Verac à fond. Ouais, voilà, VC Verac. Voltage Control... Virtual Control Voltage. Jeez, Voltage. Modulaire pour pauvre, dirait-on. Ouais, mais... Mais en même temps, modulaire très bien, modulaire gratos. Modulaire pour malin, moi je dirais même. Voilà. Ah mais il a pas trouvé le morceau que je voulais lui mettre. Ah. Donc du coup, ce sera un Silent Manifesto. Très bien. Thank you. Yes, oula. Radio Amateur. Amateur Hour. Ouais, ben, Silent Manifesto, on va pas le cacher. Non, c'est l'alias de Ned Flanger. Qui est lui-même l'alias de Joueur 2. Qui est lui-même l'alias de. Je sais pas qui. De plein d'alias, de Guillermo alias. Yes. Ouais. En fait, là j'ai mis un morceau de 7 minutes qui va aller jusqu'à la fin de l'émission. Donc c'est peut-être le moment de nous dire au revoir. De dire au revoir, dire au revoir aux gens qui écoutent. Au revoir Internet, au revoir Univers, au revoir Monde. Adieu même. Oh non. Puisque, bon, voilà. C'est jamais de quoi demain se rappeler. La fin d'une émission, c'est comme un peu la fin d'une journée ou la fin de n'importe quoi. La fin d'une vie, la fin d'un moment. Le début d'une autre chose, peut-être aussi. C'est quoi la chanson sur les vacances? Je sais plus. Partir un jour. Sans partir, c'est mourir un peu. Partir un jour, c'est pas ça. Non, c'est Astarac, ça. Partir, c'est mourir un peu. Bon, bref. Donc, les entretiens de Grenoble, ça reprend. Merci à Thibaut d'être passé. Plaisir. Tu reviendras sûrement, si ça te fait plaisir. Bah avec grand plaisir, je reviendrai m'entretenir. Et puis, il faut que tout se passe. Merci à tous. Et maintenant, c'est Toolbox. Alors, bon, bah voilà. Transition ou pas transition, intransitionnelle. Allez, à bientôt. Ciao. Bientôt, Internet. Ciao, à bientôt au Pinode. Bonjour les Jimmy, bonjour Baba, bonjour Cheville, bonjour Database, bonjour bonjour Halskin, Halkin, pardon, oula, bref, c'est mieux. Bonjour Mali Migre, bonjour Olivier, bonjour Café, bonjour Y, bonjour Sb. On va écouter des beats, voilà, hein, on peut nous changer. Personne peut. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais... Oh, mais dis donc! Bonjour, Patricien Archive. On arrive. On va aller écouter des tests pressing de disques qui vont sortir. C'est pas forcément très nouveau, comme type de musique, mais bon, moi, j'aime bien. Alors, je suis content de le partager avec vous. Voilà. Et on va commencer avec une prod, ensuite, on va essayer de vous faire occuper, ensuite, un cœur bleu, ensuite. Un jam session, ensuite 3 death chants et ensuite un sacrifice. Et on se finira avec un MFS crew. MFS crew, spécial dédicace. Bisous, ferme ma gueule. yourselves in this town were killed by premature atomic blast at the Contro Chemical Plant. The blast occurred at 7 a.m. on June 15th. That's the last thing imprinted on your mind. Your mind. Your mind. Your mind. Your mind. Your mind. Your mind. Your mind. The last thing printed on your mind. We'll be right back.